un mois, le 14 novembre dernier, la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, a autorisé la vente du premier médicament connecté, une pilule neuroleptique qui agit sur plusieurs troubles psychotiques. L'objectif étant de recueillir des données pour s'assurer de la prise du médicament par le patient. Et c'est là tout le paradoxe que pose aujourd'hui la e-médecine ou santé connectée entre d'une part le spectre d'une surveillance médicale incompatible avec la liberté d'observance individuelle et de l'autre l'utopie d'une médecine pour tous, totalement individualisée et enfin libérée du diktat du monde médical. Médecine connectée, les données, c'est la santé, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions et la promesse d'une médecine numérique accessible à tous, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cécile Monteil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré, également directrice médicale dans un centre de simulation en santé Illumins, qui est en association avec la fac de médecine de Paris Descartes. Bonjour Nicolas Postelvinet. Bonjour. Vous êtes vous médecin dans l'unité hypertension artérielle de l'hôpital Georges Pompidou en charge de télémédecine et d'éducation thérapeutique et fondateur également du site automesure.com. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes et sur notre fil Twitter @laméthodeFC. Alors, pour commencer, un mot à propos de cette pilule connectée mise sur le marché aux États-Unis que j'évoquais à l'instant. Son nom, c'est Abilify MySight. C'est une pilule qui est dotée d'un capteur micrométrique qui libère un signal une fois que le médicament a été absorbé et digéré par le patient, ce qui permet de contrôler sa prise, hein, puisque ce sont des médicaments qui sont à destination de patients qui souffrent de troubles psychotiques de type schizophrène ou bipolaire. Votre réaction à cette annonce, Cécile Monteil. Alors, en fait, ce qu'on a beaucoup pu voir dans les médias, c'est effectivement la question du consentement du patient et est-ce que, finalement, cette pilule n'allait pas servir à surveiller les patients pour, par exemple, les dérembourser, les fliquer, etc. Il faut savoir qu'en fait, ce type de pilule est déjà utilisé depuis de nombreuses années, en fait, dans le cadre d'essais cliniques. Simplement, elle n'était pas mise sur le marché pour la consommation régulière des patients. Donc, c'est pas quelque chose de si nouveau que ça. En fait, ça remet en question... Cette pilule, c'est un outil, ce n'est pas une solution, c'est un outil qui vient s'ajouter à la panoplie des outils du médecin et elle ne sera pas forcément bonne pour tout le monde. Sur la question du consentement, il faut savoir que quoi qu'il arrive, on ne va pas envoyer des flics au domicile du patient pour forcer la pilule dans le gosier du patient et que par ailleurs, pour que le signal de la pilule puisse être détecté, il faut se coller un patch au niveau du torse qui doit être changé toutes les semaines. Donc c'est pareil, il n'y a personne qui va être derrière le patient 24h/24 à regarder que le patch est bien collé. Donc le problème du consentement, pour moi, ne va pas se poser, parce que si le patient ne peut pas, il ne la mettra pas. Mais c'est un outil qui conviendra à certains patients en accord avec le patient et le médecin, et qui ne conviendra pas à d'autres. Sans aller évidemment jusqu'à la question d'envoyer la police au domicile du patient, ce qui était évidemment non, un peu caricatural. On voit bien, Nicolas Postelvinet, qu'il s'agit là, en tout cas, de la question de l'observance, du traitement chez des patients pour qui l'observance peut être complexe quand on souffre de troubles psychotiques lourds, évidemment. Voilà, on sait bien que le suivi du traitement peut être problématique. La question, c'est toujours celle de la porte d'entrée, évidemment, ce que vient de soulever Cécile Monteil à l'instant. J'ai une petite anecdote. Il existe. Là, on parlait tout à l'heure d'une pilule qui s'avale. Hein. Donc, c'est des travaux qui, pour moi, datent il y a moins de 3 ans. Et c'était vraiment une nouveauté que ça soit sur le marché, à l'inverse des piluliers électroniques qui s'ouvrent. Les piluliers électroniques qui s'ouvrent sont en vente en pharmacie. Les pharmaciens peuvent être rémunérés jusqu'à 30 € par mois pour suivre les patients. Et un rapport de l'IGAS de l'année dernière a donné cette anecdote assez intéressante. Un patient suivait une femme isolée, âgée, chez elle. Elle n'a pas ouvert un samedi matin le pilulier. Faisant son travail, le pharmacien a téléphoné au domicile. La dame n'a pas répondu. Le pharmacien, inquiet, pensant à une chute ou quelque chose comme ça, a appelé le 15, qui a appelé les pompiers. Les pompiers ont sonné à la porte. La dame n'a pas répondu. Ils ont cassé la porte avec leur hache. Ils ont trouvé ce samedi le pilulier sur la table et le logement vide. Elle était partie avec son fils en week-end et tout ça s'est déroulé en vrai, c'est dénoncé par un rapport de l'IGAS. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'observance électroniquement surveillée, mais il y a la décision. Et c'est là où la décision peut poser un problème éthique, c'est pas le capteur. Donc là, la décision de laisser des pompiers fracasser une porte, c'est est-ce qu'il fallait vraiment aller jusque-là ? Et ensuite, l'État, en 2015, a télésurveillé les patients qui avaient un masque pour dormir la nuit parce qu'ils souffraient d'apnée du sommeil. L'État avait décidé de dérembourser les patients qui ne dormaient pas un nombre suffisant d'heures pour la nuit. C'était avec le masque. Avec le masque, c'était tracé électroniquement et transmis à distance. Et les associations de patients ont protesté et le Conseil d'État a cassé cette décision. Donc, il y a des problèmes éthiques avec la télésurveillance, non pas dans le capteur, mais dans la capacité de décision par rapport à une alarme qui s'ouvre. Et ça peut être le déremboursement, ça peut être l'intervention d'un tiers, et le consentement du patient, dit l'IGAS, est très bousculé et très contraint. Alors on va discuter, on va voir évidemment tout de suite, on rentre dans le débat éthique, on va voir que la santé connectée, ça n'est pas que la surveillance, loin s'en faut, c'est tout un panel d'outils différents avec des usages qui peuvent aller, comme je le disais dans l'introduction, plutôt au contraire vers une prise en charge, vers une prise en main, vers une responsabilisation du patient et vers un bouleversement du parcours de santé traditionnel. On va l'évoquer dans quelques instants. J'aimerais tout de même vous faire réagir sur un dernier élément sur cette pilule, c'est-à-dire que le moteur initial, c'est un rapport d'un institut américain, l'Institut Institute of Healthcare Informatics, qui stipule ou qui estime, après une enquête, que la mauvaise observance du traitement coûterait au total aux États-Unis 100 milliards de dollars par an. C'est donc une motivation pour le coup strictement économique. Cécile Monteil, est-ce qu'il faut prendre cela en considération quand on connaît aujourd'hui les problèmes, imaginez en France où la sécurité sociale est beaucoup plus public et emprunte à l'argent de l'État, effectivement, est-ce qu'il y a une vocation dans cette santé connectée à rationaliser aussi les coûts pour permettre de réduire ces déficits chroniques ? Alors, pour moi, en fait, les gens ont souvent tendance à associer le mot « nouvelle technologie » avec « économie ». Pour moi, en fait, c'est complètement décorrélé. Certaines technologies vont augmenter les coûts et d'autres vont réduire les coûts. C'est pas la motivation de l'économie qui doit motiver l'utilisation des nouvelles technologies. Ce qui compte au final du final, c'est que le patient aille mieux. Voilà, si le patient va mieux, qu'il y a moins de complications, moins de réhospitalisation, fort bien, ça va coûter moins cher à la sécurité sociale. Après, honnêtement, sur les années à venir, l'homme vivant plus longtemps, je vois mal de toute façon comment les dépenses de santé vont tendre à diminuer. Après, la question de l'observance, effectivement, un gros problème dans la médecine d'aujourd'hui, c'est le manque d'observance. Dans certaines pathologies, c'est des taux qui sont supérieurs à 50%. Les nouvelles technologies peuvent être un outil qui vont aider certains patients, mais en fait, il faut savoir que pourquoi les patients ne prennent pas leur traitement, souvent, c'est pas du tout parce qu'ils oublient. Quand le pilule électronique est sorti, on a dit, ah oui, voilà, on va résoudre le problème de l'observance parce que le pilule électronique sonne si la personne oublie de prendre son médicament. Pourquoi est-ce qu'elle le prend pas? Eh bien, véridique, hein, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Mais docteur, vous comprenez, je prends déjà 13 pilules. Si j'en prends 9, ça doit quand même déjà bien marcher. Ou alors, parce qu'on est au travail, on ne veut pas sortir ses médicaments devant les collègues, ou alors parce qu'on a des effets indésirables. Mais voilà, l'outil technologique peut aider. Voilà, mais ce n'est pas une solution à part entière. Ce n'est pas un substitut. Nicolas Postel-Vinet, sur cette motivation économique. Moi, je la vis comme extrêmement importante, comme toute l'économie du numérique. J'ai l'impression que pour livrer des pizzas à domicile, pour mettre des voitures en partage ou en location, les forces de l'argent sont extrêmement puissantes. Et d'ailleurs, les sociétés du numérique qui s'intéressent à la santé connectée, c'est pas tant les médecins, elles manquent de médecins d'ailleurs, mais c'est plutôt l'attrait de pouvoir revendre une start-up 3 ans plus tard parce qu'on a produit des objets. Donc ça, c'est l'aspect économique. La réalité de l'économie de la sécurité sociale et de l'apnée du sommeil, c'est une réalité. Et on a déjà aux États-Unis des sociétés privées qui connectent leurs patients pour lutter, c'est de l'observance, contre la sédentarité et qui font des tarifs différentiels, c'est le pay as you drive, c'est-à-dire que moins vous conduisez votre voiture, moins vous payez. Et plus vous êtes observant, moins vous payez votre mutuelle aux États-Unis. Ce qu'on appelle quelque chose qui est contradictoire avec la France, qui est ou l'Europe, c'est la mutualisation des risques. C'est-à-dire tout le monde paye à peu près pareil, même si son comportement de santé est différent. Je pense vraiment, bien sûr, à la rationalité d'améliorer l'observance. C'est un objectif que déjà Hippocrate avait, 2000 ans, avait déjà souligné. Donc ça, tous les médecins sont d'accord. Mais l'idéal d'un meilleur traitement doit passer par l'électronique plus de l'éducation. Mais je crains fort que la vraie vie, ça va être l'électronique plus des problématiques de remboursement. Maintenant, elles sont légitimes. Si vous prenez le traitement de l'hépatite C, avec des sommes faramineuses que je n'ai plus en tête, mais ce sont des sommes considérables. On va essayer de les retrouver, de les mettre sur Twitter. Merci. Il est absolument compréhensible que le gouvernement qui fait l'effort de rembourser entièrement à 100% ces traitements extrêmement coûteux exige du patient qu'il les prenne et donc instaure un contrôle. Ce qu'il faut faire, c'est que ce contrat initial doit être dit avant, c'est-à-dire bonjour, nous avons la possibilité de mettre à votre disposition un médicament qui est absolument hors norme dans son coût, mais s'il vous plaît, nous, pour vous le rembourser, nous allons vérifier que vous le prenez bien. Ça me paraît difficile au niveau éthique, mais quelque chose qui doit être débattu. Ce que n'avait pas fait la Sécu avec l'apnée du sommeil. Cécile Monteil, oui, sur cette question de l'hépatite C, on peut parler de l'hépatite C, on peut parler aussi du VIH. On sait que ce sont des traitements très chers. Alors, ils sont génériqués aujourd'hui, donc ça coûte moins cher. Mais on voit bien qu'on rentre là aussi. On en trouve une porte éthique qui est d'instaurer une surveillance de l'observance par des organismes quels qu'ils soient publics, que ce soit l'État ou privé des assurances. Et que, voilà. En fait, moi, je vois cette surveillance, ça dépend du prisme que l'on utilise, mais pour moi cette surveillance, c'est-à-dire que si on voit que le patient ne prend pas son traitement, le but c'est pas de le réprimander, c'est vraiment d'aller comprendre pourquoi et d'avoir aussi des outils qui permettent de suivre l'observant. Si on voit que le patient ne prend pas son traitement, l'idée c'est de pouvoir voir mais pourquoi. Moi je suis peut-être naïve, mais je me dis que le patient s'est pas dit ah mais tiens la Sécu paye et si moi je prenais pas mon traitement juste pour leur faire dépenser comme ça, je vais avoir des complications, je vais encore coûter plus cher et j'irai encore moins bien. Donc en partant du principe que si le patient ne prend pas son traitement, c'est qu'il y a une raison, comment est-ce qu'on peut pallier à cette raison, de voir le patient, d'en discuter avec lui et trouver une meilleure solution. Moi, j'essaye de le voir de cette façon-là. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h, bientôt 15 minutes sur France Culture, nous parlons de médecine connectée. Pour bien comprendre que toute la médecine ou la santé connectée n'est pas directement issue de l'esprit de George Orwell, revenons à la source, Cécile Monteil. De quoi parle-t-on quand on parle de médecine, de santé connectée? Il y a beaucoup une terminologie assez large, on parle de e-santé, de télémédecine, de m-santé, de télésanté. Est-ce que tout est synonyme? Est-ce qu'on parle de la même chose? Alors c'est un terme qui est très générique, moi je pense qu'au final un jour on dira santé tout simplement, hein. Dans d'autres domaines on n'appelle pas, on met pas un i absolument devant tous les mots. Moi je pense que ce qu'il faut séparer, enfin la télémédecine fait partie de la santé et le docteur Posselviné en parlera bien mieux que moi, mais je sépare un petit peu les deux parce que e-santé dans les médias, dans l'esprit des gens, c'est plutôt des outils qu'on va pouvoir utiliser un petit peu à volonté. Et il n'y a pas de responsabilité du médecin, si vous voulez. Si moi, demain, j'achète un tensiomètre à la FNAC, si j'envoie mes résultats au médecin, il n'y a pas de responsabilité pour lui de regarder le résultat à 2h du matin et d'avoir une réponse. La télémédecine, c'est vraiment quelque chose qui est où il y a une responsabilité du médecin, il va y avoir un suivi et c'est un petit peu la différence que je fais entre les deux. Nicolas Postel-Vinet. Je suis absolument entièrement d'accord. Donc la télémédecine a une définition réglementaire juridique avec partage des responsabilités, obligation de sécurisation des réseaux, obligation d'identification et de signature électronique du médecin, donc quelque chose de lourd, de complexe. Et la e-santé, c'est on va dans un magasin d'électronique, dans un magasin de sport et on connecte son corps. Donc ce sont deux choses qui ont de grandes différences. Pour autant, là où les choses se compliquent, c'est que le même paramètre mesuré peut être soit utile pour le sportif, soit utile pour la médecine. Si vous prenez la fréquence des battements cardiaques, vous pouvez être en bonne santé, faire du sport, vous allez à la FNAC, puisque l'exemple vient d'être dit, et on achète un bidule... Ou dans tout autre magasin. Désolé, ça m'a échappé. Je suis désolé. Oui, et donc, on achète un bidule qui n'est pas réglementairement un dispositif médical, sauf que, et ça c'est la nouvelle équation passionnante, c'est est-ce que, la question scientifique, c'est est-ce que ce même instrument qui coûte beaucoup moins cher, qui est facile d'emploi, qui est ergonomique, est-ce qu'il pourrait servir à des cardiologues ou, mettons, des médecins traitants chez quelqu'un qui est porteur d'une maladie cardiaque? Ce sont des questions qui peuvent être abordées qu'en analysant capteur par capteur, c'est-à-dire le capteur des nombres de pas, le capteur de sucre au bout du doigt, donc la glycémie, le capteur de pression artérielle, etc., etc. Et à chaque fois, l'analyse à la fois de fiabilité de l'objet, de pertinence médicale et de contexte juridique va être différente à chaque fois. Et si la conversation, je ne veux pas être trop long là, se poursuit, je dirais un exemple favorable d'un bon objet e-santé et un exemple très défavorable d'un objet e-santé. Je vous en prie, donnez-nous un exemple de chaque... Alors, d'abord, pardonnez-moi, je vais commencer par le favorable. Donc, mettons la balance. Voilà un instrument absolument pertinent médicalement qui existe depuis la fin du 19e siècle et qui a commencé à rentrer dans les foyers en Europe, aux États-Unis au début du 20e siècle. C'est pertinent de mesurer un nourrisson prématuré ou qui vient de sortir de la maternité pour voir s'il prend du poids, s'il a de la diarrhée, s'il perd du poids. Donc ça, ce sont des mesures qu'une mère de famille fait. Maintenant, il y a une possibilité de le connecter, mais le fondement de la pertinence, c'est le captage. En revanche, après, cette même balance, si vous l'appliquez à un régime alimentaire de quelqu'un en bonne santé qui est lié à un système commercial pour vendre des produits amaigrissants, on rentre dans un usage complètement différent. Donc ça, c'est le même capteur. Mais c'est pertinent. Un capteur totalement délirant actuellement en vente dans les magasins de sport, c'est la saturimétrie, c'est-à-dire la recherche du taux d'oxygène au bout du doigt. C'est quelque chose d'extrêmement utile en réanimation. Ceux qui aiment la télé et qui voient la feuilleton urgence ou toutes maintenant les scènes d'Hollywood, on a des petits capteurs qui font bip bip bip avec le taux d'oxygène au bout du sang. C'est utile en réanimation. Quand on va voir des proches à l'hôpital, même sans avoir la télévision. Mais maintenant, les pharmaciens français vendent des saturomètres, les fabricants d'objets connectés vendent des saturomètres, prétendent même que c'est utile pour les asthmatiques, ce qui est absolument faux. C'est utile quand on a une bronchite chronique. Donc, il y a des allégations commerciales, je reprends ce mot commercial, totalement erronées sur les saturomètres, qui coûtent les premiers une vingtaine d'euros, c'est rien. Et là, on a quelque chose qui n'est pas pertinent. Et là, ça rend compliqué notre message sur la e-santé. C'est très bien quand c'est la balance, quand c'est le saturomètre utilisé n'importe comment. Je plains les médecins et je pourrais détailler des anecdotes qui ont ces valeurs. Vous allez pouvoir nous en donner un certain nombre au long de cette heure. On voit bien effectivement, hein, Cécile Monteil, qu'il y a une offre aujourd'hui qui s'est extrêmement diversifiée, placée sous l'étiquette ou la bannière e-santé, où on va préférer santé connectée, et qu'il y a des choses, comme vient de le décrire Nicolas Postel-Vinet, qui sont assez délirantes. Néanmoins, on peut aussi dire que la santé connectée, Nicolas Postel-Vinet vient de citer la balance, mais ça fait un certain nombre de temps qu'on est dans l'automesure, que l'automesure peut renvoyer d'ores et déjà des informations aux médecins traitants pour les cas d'hypertension, pour les cas de diabète. C'est-à-dire que ça a l'air d'être très technologique, très gadget et très moderne. Finalement, ça fait un certain nombre d'années que ce type de dispositif existe et qu'il y a déjà un lien d'envoi automatique de données aux médecins de la part du patient. Oui, alors après, si je prends par exemple le diabète, donc avec le glucomètre, les glucomètres, on pouvait déjà, depuis un bon moment, les rentrer. Enfin, il y avait un port USB, on pouvait le brancher à l'ordinateur. Après, entre vous et moi, la qualité du graphique était quand même pas terrible. C'était quand même pas très ergonomique. Ce qui a beaucoup changé, c'est ce qu'on appelle le UX, l'expérience de l'utilisateur. Aujourd'hui, alors... Pareil, les glucomètres connectés qu'on avait avant, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, c'est des petits boîtiers qui sont absolument pas ergonomiques, avec des boutons. On comprend pas du tout à quoi servent les boutons. Vous allez avoir un écran digital avec plein de signes sur l'écran. Pareil, enfin, je veux dire, même moi en tant que médecin, quand je regardais, je disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment est-ce qu'on l'utilise ? Aujourd'hui, les glucomètres connectés sont très ergonomiques, très simples d'utilisation. Pour l'interface médecin, c'est pareil. Hein, il y a des moyennes qui vont être faites sur le mois. On va pouvoir voir ce qui se passe le week-end, la semaine, en un clin d'œil, il y a des codes couleurs, etc. Et il y a aussi une interface pour le patient, ce qu'il n'y avait pas forcément avant. Avant, dans le diabète, il y avait le carnet, enfin, qui existe encore, hein, pardon, où on rentre, le patient va rentrer ses glycémies. On savait que c'était assez mal fait parce que c'est très contraignant. Souvent, c'était fait de façon rétrospective. Moi, j'ai déjà vu une infirmière qui avait un diabète gestationnel, et alors elle remplissait tout le jour même où le carnet était délivré, et elle me disait, bah, comme ça, la prochaine fois que je vais voir mon médecin, je ne me fais pas engueuler parce que je ne l'ai pas rempli. Ok, donc maintenant c'est beaucoup plus simple, c'est automatique et le patient a un retour d'expérience. Donc quand il est entre deux consultations, que pendant 3 mois il voit pas son médecin, que le diabète c'est une maladie invisible, qu'il ne comprend pas forcément pourquoi il voit ses traitements, et ben tout d'un coup, pendant 10 jours c'était Noël, il a mangé plein de chocolat, il va voir qu'il arrive dans l'orange et dans le rouge. Quand il fait un effort, il va voir qu'il est dans le vert. Il y a aussi un retour pour lui et c'est beaucoup plus facile au final de gérer la maladie. Nicolas Postel-Vinet. Je suis entièrement d'accord avec cet exemple du diabète et ce que vient de dire Cécile, c'est absolument entièrement d'accord. Je ferai juste une petite remarque. Je vais jouer le rôle du méchant, pas du méchant voilà. Docteur. C'est qu'en fait, les publications solides sur l'intérêt de mesurer le sucre au bout du sang est extrêmement bien démontré pour le diabète à l'insuline, dit type 1. Oui, mais il y a un essai absolument récent dans une revue importante pour les médecins qui s'appelle le JAMA, qui a montré que pour le type 2, c'était beaucoup moins pertinent. Mais les forces commerciales, elles seront sur le type 2. Cela dit, c'est une bonne chose. Pourquoi pas ? Et dans l'exemple du diabète, il y a clairement, puisque la mesure est pertinente et il y a ce retour d'information pour le patient qui est extrêmement intéressante. Et là, le retour d'information par le patient lui-même, on est dans l'éducation. On n'est pas dans la télésurveillance. Donc c'est là où va se situer avec le même appareil des possibilités. Alors pour le diabète, il n'y a pas d'enjeu de télésurveillance parce que les traitements ne sont pas si chers. Il n'y a pas de responsabilité médico-légale. Mais dans l'apnée du sommeil, vous allez dire c'est ma marotte. Mais si vous êtes professionnel conducteur de poids lourd, vous avez une interdiction, vous avez une obligation médico-légale de porter votre masque la nuit. Donc je suis désolé, le jour où il y aura un accident et qu'il y aura une télésurveillance, je ne vois pas pourquoi la partie adverse qui aurait perdu dans l'accident de voiture un enfant, enfin avec des enjeux absolument formidables, dira au fait, donnez-moi, versez au procès les pièces de télésurveillance. Et alors, si le conducteur de chauffure, 10 jours avant, il n'avait pas mis sa machine, l'assurance va rembourser, va pas rembourser? On va rentrer dans une complexité de gestion de certains problèmes de santé, pas le diabète, l'apnée du sommeil, par exemple. Et donc, la captation du rythme cardiaque quand il y aura des accidents. Donc, oui à l'éducation, oui au progrès de la technologie, mais soyons avec une analyse situation par situation. Alors, pour revenir à cette question de ce que recouvre la santé connectée, j'ai trouvé une définition qui me semble intéressante parce que elle implémente un certain nombre de concepts qui vont revenir dans notre conversation et qu'on a déjà abordé. La santé connectée consiste en l'utilisation de nouvelles technologies pour améliorer la santé. Ces technologies peuvent faciliter l'accès aux soins et permettre à leurs utilisateurs une prise en charge personnalisée en matière de prévention ou de soins médicaux. Ce qui m'intéresse dans cette définition, je ne sais pas si vous la partagez, Nicolas Bostel-Vinès, oui, Cécile Montaigne, vous n'avez pas l'air complètement dessus, ça vous va? Oui, pas de problème. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la notion d'améliorer la santé, de médecine personnalisée et de prévention. C'est-à-dire que l'idée, c'est que cette santé connectée pourrait intervenir non plus dans une optique seulement de guérison, mais pousser la médecine, et on l'entend et on en a beaucoup parlé autour de cette table, vers une médecine personnalisée, beaucoup plus prophylactique, ce qui est quelque chose qu'on a du mal à mettre en place en France, Nicolas Postel-Vinès. C'est tout l'espoir qu'on a. Par exemple, on ne peut que se réjouir, médicament parlant, de la vente des podomètres, des traceurs d'activité, c'est mieux dit, en même temps que les chaussures de basket pour courir, tout ça va ensemble. Donc on peut se réjouir de ça. Et probablement, on aura un effet extrêmement positif sur la prévention et la lutte contre la sédentarité, qui est un problème majeur. On peut imaginer que les outils d'aide au sevrage du tabac, le tabac étant un fléau connecté, va avec des applications qui, dont certaines ont prouvé leur utilité, aident les personnes, et c'est de la prévention, à arrêter de fumer. Donc il y a un volet de prévention extrêmement intéressant et on retombe dans la réglementation, c'est-à-dire que pour que ça soit accessible au grand nombre, il faut que ça soit pas cher, que ça soit démédicalisé, c'est-à-dire plutôt en grande surface que chez le pharmacien, et éventuellement sans sécurisation coûteuse. C'est bien de se protéger, mais il faut aussi que les choses soient libres d'accès. Donc il y a un grand espoir dans la prévention. Le curseur restera à l'évaluation scientifique indépendamment du constructeur. Cécile Montaille. Alors, je suis tout à fait d'accord, notamment sur l'évaluation scientifique. Après, je pense que ça ne marchera pas s'il n'y a pas d'accompagnement humain. Et là, j'ai deux exemples. La première, c'est effectivement, si vous avez un tracker d'activité, ça vous permet de compter vos pas. Ok, mais en fait, si vous êtes sédentaire et que vous êtes dans votre canapé le soir en train de regarder la télé et que vous regardez votre tracker d'activité qui vous dit que vous avez fait zéro pas depuis une heure, est-ce que ça va vous motiver? Ce sont des petites applications pour les auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec ce type d'applications. Ce sont souvent des petites applications qu'on a dans nos téléphones portables, dans les smartphones, oui. Et qui disent à la fin de la journée, voilà, vous avez fait tant de pas, vous avez monté tant d'étages, qui répertorient en fonction des mouvements des jambes l'activité physique. Voilà. Exactement. Et pour moi, en fait, c'est pas parce qu'on fait une mesure de son propre corps que automatiquement on va modifier son comportement. En fait, il y a vraiment les deux ne sont pas associés. Et pour moi, pour arriver à associer les deux, le facteur, le chaînon manquant, c'est l'accompagnement humain. Et il y a une étude très intéressante qui est sortie dans un magazine scientifique qui a suivi une large cohorte de population obèse. Et ils ont fait deux groupes. Il y en avait un qui avait plein d'outils connectés, c'est tout. Et l'autre groupe avait vraiment la méthode de régime traditionnelle avec une infirmière qui les appelait. Il y avait un coaching, etc. Et ils les ont suivis pendant 2 ans. et il n'y avait aucune différence à la fin entre les deux groupes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je pense que les outils connectés serviront si, à côté, il y a un accompagnement humain. Alors là, oui, c'est finalement un petit peu l'homme plus la machine est supérieur à l'homme seul ou la machine seule. C'est vraiment les deux ensemble qui feront qu'on pourra avoir des meilleurs résultats. Ce que je vous dirais, et puis on va entendre d'autres exemples, parce que là, effectivement, on parle d'applications sur les téléphones, on parle de traitement des maladies chroniques. On va voir qu'il y a des équipements aujourd'hui et des outils qui sont des outils qui permettent de suivre des maladies graves, de surveiller et d'avoir un rapport et de changer en profondeur le rapport entre le patient et le médecin. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous faire réagir avant qu'on entende ce reportage de télécardiologie. C'est précisément cette notion, alors on va dire, pour utiliser un anglicisme, d'empowerment, c'est-à-dire du patient qui prend en charge une partie de sa santé, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le patient médecin. Est-ce que il est bon de tendre vers ce nouveau statut du patient, de ce nouveau cette nouvelle nature du rapport au parcours de santé, selon vous, Nicolas Postel-Dunay, sans plus d'encadrement que éventuellement quelques gadgets qu'on achète, vous le dites, en supermarché ou en pharmacie? C'est toute la démarche qui a démarré avec le diabète et l'éducation et le facteur humain, hein, tout ce qui a été dit par Cécile est tout à fait juste, et pour la pression artérielle qui a commencé dans les années 85, les objets, les tensiomètres n'étaient pas connectés, et effectivement il y a un couple vertueux à se suivre soi-même. Après, il faut réaliser qu'il y a des situations médicales plus à risque que d'autres. Si je prends la tension, vous avez des tensions banales, c'est quand même 12,5 millions de personnes en France qui prennent des médicaments contre la tension, 4 millions de personnes qui ont des tensiomètres. Celles-là qui ont des niveaux de tension, je vais dire faibles, peuvent se suivre elles-mêmes, et c'est tout le travail que nous faisons parce que nous le souhaitons, parce qu'avec des volumes de tant de millions de patients, on ne peut c'est pas souhaitable d'engorger le système de soins si la personne est capable de se prendre en charge elle-même. Je reste avec l'usage du tensiomètre, je prends le sous-groupe des personnes qui prennent des traitements anticancéreux tout à fait nouveaux qui s'appellent les ITK et qui font dramatiquement monter la tension dans les 15 jours de forte valeur. Ceux-là ont besoin d'une surveillance accompagnée d'un médecin à distance, c'est le même tensiomètre, mais dans le premier cas, tension banale, 12 millions de personnes, la personne apprend elle-même des informations éventuellement avec un algorithme automatique. Et dans l'autre cas, l'algorithme va tourner, mais il faut lui apporter une disponibilité d'un avis médical qui peut être le médecin traitant, le téléphone, la plateforme, le rendez-vous, etc. Donc là encore, on retombe dans une nuance d'usage entre quelque chose de courant et de simple. Et puis plus on monte en risque et en gravité, il faut que l'appareil soit performant, quitte à être coûteux. Cécile Monteil. Moi, je partirais plutôt sur un autre axe. En fait, le terme de patient médecin m'interpelle un petit peu. Alors, est-ce qu'on va aussi devenir patient pharmacien, patient chauffeur, voilà, parce qu'on utilise la voiture, etc. Pour moi, chacun son métier, et c'est pas du tout négatif. Mais il y a une chose qui est importante. Donc, responsabiliser les patients, super. S'ils veulent le faire, c'est génial. Faut que ça reste un choix. En fait, souvent, quand on en parle, c'est presque entre personnes bien portantes. Et on oublie que quand on est malade, surtout avec les maladies chroniques, ou les maladies graves, c'est quelque chose qui est très lourd à porter on n'a pas forcément envie d'être complètement responsable et que quelque part, c'est déjà assez compliqué et que quand on va voir son médecin, on a envie de s'en remettre à son médecin. On n'a pas forcément envie que les choix reposent sur nous. Bien sûr qu'on a envie d'être informé, etc., de participer. Mais voilà, il faut que ce soit un choix, il faut que ce soit adapté à chaque patient que ce soit pas imposé. Absolument d'accord. Juste une petite remarque, le fait d'être médecin soi-même, c'est une notion qui date de la Rome du 3e siècle, c'est une vieille histoire. Mm-hmm. Dites-nous un mot, c'est intéressant. Non, on va pas rentrer dans un truc de philosophie alors que là c'est pour les objets connectés. Mais le médecin, le fait de se prendre en charge, c'est parfois une bonne chose. Il faut savoir qu'un médecin, un patient qui a les bonnes informations et les bons outils peut parfois corriger même des erreurs de ses médecins. Et il faut le savoir. Ou alors, si on parlait de l'observance, si l'observance électronique qui va améliorer le nombre de fois on avale le médicament, mais qui est au service d'un mauvais médicament, on pourrait aboutir à une catastrophe. Si le Mediator avait été corrélé à une appli pour bouffer plus de ce comprimé, j'ai évité de dire un gros mot, ça aurait été une véritable catastrophe. Donc faut, là encore, je suis désolé, tout est complexe, mais ce qui a été dit avant, l'association humain plus machine, c'est très important. Liberté aux personnes de choisir, ça venait d'être dit, telle ou telle solution, c'est vraiment très souhaitable. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Vows of pride, forgetting powders, reds and yellows, sweets and sours. Curled around a scented pillow, biting hard and crushing flowers. I went down to Sugar Town to try and get some pills to sell. They said her prescription's over, there'll be no refills for Sarah. Down to West Street, I made all the rounds of Sarah. Vicodin and Oxycontin, my love knows no bounds for Sarah. My man gave me something tasty, vials of bread, forgetting powders. My head and crushing flowers slipping through my superpower. For Sarah de Winter Pills à 16h32 sur France Culture, puisque nous parlons tout au long de 7 heures de médecine et de santé connectée. Nous en parlons avec Cécile Montet, qui est médecin aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré, et Nicolas Postel-Vinet, médecin dans l'unité hypertension artérielle de l'hôpital Georges Pompidou. Alors pour prendre très concrètement, pour comprendre très concrètement, ce que permettent les progrès en santé connectée, nous sommes intéressés à la télécardiologie. Bonjour Céline Lezenne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris pour observer comment les patients peuvent être suivis à distance. Oui, la télécardiologie a fait ses preuves à la fois du côté du patient et du côté du médecin. Je suis allée voir Caroline Imbert qui est cardiologue. Sa spécialité, c'est la prise en charge des troubles du rythme cardiaque. Un suivi qui se fait à distance par télécommunication. Alors le patient n'a plus à se déplacer trop souvent à l'hôpital et pour le médecin, il peut agir plus vite en cas d'accident. L'arythmologie concerne la prise en charge des troubles du rythme. Donc dans troubles du rythme, on entend les ralentissements cardiaques, donc les bradycardies, donc qui nécessitent des appareillages par des stimulateurs cardiaques, et les troubles du rythme par excès, donc les tachycardies, qui relèvent donc soit de traitements médicamenteux, ablatifs ou du défibrillateur. Alors, les prothèses implantées, elles ont deux buts. Il y en a certaines qui ont des buts uniquement diagnostiques, ce qu'on appelle le holter implantable ou Reveal, qui est un appareil qui est implanté sous la peau en dehors du cœur et qui va ne faire que enregistrer les événements cardiaques. Donc, pas d'action thérapeutique, c'est uniquement un outil diagnostique, donc d'où l'intérêt de la télétransmission. Alors, c'est malheureusement une télétransmission manuelle, où le malade va envoyer donc des télétransmissions au moment où il a des symptômes pour savoir à quoi correspondent ces symptômes. Gros intérêt du Reveal donc dans le diagnostic de la fibrillation auriculaire. Et puis après il y a les prothèses actives, donc les prothèses actives par défaut donc sur les bradycardies, le pacemaker, et les prothèses actives et thérapeutiques que sont donc les défibrillateurs. C'est un autre mode de suivi du pacemaker, donc il y a une prothèse implantée et c'est une alternative et surtout un complément au suivi présentiel. Donc autrefois, les patients étaient obligés de venir pour faire interroger leur pacemaker par un programmateur, par le docteur ou le technicien. Maintenant, ils ne sont plus obligés de venir à chaque fois et la transmission des informations se fait via le transmetteur et les réseaux GSM. Alors, c'est un pacemaker ordinaire qui a été équipé d'une petite antenne de radiofréquence qui est autour du boîtier. Donc, ça concerne maintenant pratiquement tous les nouveaux pacemakers, tous les nouveaux défibrillateurs. Et cette antenne va pouvoir communiquer par Wi-Fi avec le transmetteur dédié. Le transmetteur, il est muni d'une petite puce GSM qui va envoyer les informations sur l'ordinateur du service. Et donc, depuis votre bureau ici, vous pouvez recueillir les données de vos patients. Depuis mon bureau, donc je me connecte avec des identifiants et des mots de passe. Donc là, ça concerne le site CareLink. Là, donc on arrive sur notre site. On a 260 patients qui sont donc suivis en télécardiologie et on peut donc voir au premier coup d'œil là les transmissions qui ont été reçues. Alors aujourd'hui, ben, on avait 14 transmissions, 10 avec événements, 4 sans événements et on. Événement. C'est ce qu'on peut voir, par exemple. J'ai une liste de patients et donc j'ai la date de réception des données, donc qui arrive en général la nuit, là où les réseaux sont le moins encombrés. Et puis, j'ai les événements qui ont été vus donc, sur les transmissions. Alors, par exemple, là, je vois cette dame. Alors, c'est une dame qui a fait des tachycardies ventriculaires, qui a été appareillée d'un défibrillateur, donc qui a risque de mort subite et de refaire des événements indésirables liés à ces tachycardies. Donc, elle a déjà eu plusieurs épisodes de tachycardie. Là, ici, on voit qu'il y a 3 mois, ben, elle a eu un choc, elle a fait plusieurs tachycardies, on a modifié son traitement et on a demandé donc au transmetteur de transmettre tous les mois pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc on voit qu'elle n'a pas refait de choc, mais on voit que hier, eh bien, elle a eu un épisode de tachycardie. Donc ça permet de monitorer l'efficacité du traitement qu'on a modifié suite à l'événement aigu du mois d'octobre, sans que la patiente soit à se déplacer. Alors après, si on voit des choses très inquiétantes, on l'appelle, on lui dit de venir, on lui dit de changer ses médicaments. On voit grâce à cet outil-là qu'on a à la fois des données très précises, mais aussi un historique qui permet de Absolument. Mieux comprendre le cas du patient et de faire une médecine plus personnalisée. Et oui, un historique, un suivi et donc des datas à des temps donnés sur l'efficacité du traitement. Donc là, on hésite entre deux traitements, on regarde si le premier fonctionne, si jamais ça ne suffit pas, eh bien, on aura plus d'arguments pour proposer un autre traitement sans être à demander à la personne de venir tous les jours. Et on peut apprécier donc l'efficacité ou la nocivité de tel ou tel traitement. Et aujourd'hui, vous auriez du mal à vous passer de ce genre d'outils de télémédecine sur l'ensemble de vos patients ? Alors, on aurait beaucoup de mal parce que la démographie médicale et rythmologique n'est pas spécialement en évolution. Donc, les fabricants recommandent quand même une surveillance biannuelle ou au moins annuelle des prothèses, en tout cas au moins biannuelle pour les défibrillateurs. Vu le nombre d'appareils qui sont posés, ça devient de plus en plus difficile d'honorer une surveillance calendaire dans ce sens. Après, pour les malades qui sont appareillés, c'est mieux de réserver le temps médical à la prise en charge des urgences et des vrais événements. Donc la télécardiologie, c'est un gros avantage sur le plan de la gestion du temps des médecins. Voilà le reportage à l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vos réactions, je vous voyais prendre des notes l'un et l'autre, Nicolas Postel-Vinet. Alors d'abord, ça c'est l'exemple efficace, bien d'une utilisation extrêmement ciblée, c'est-à-dire qu'on recherche quelque chose d'extrêmement précis. Vous noterez qu'on ne recueille pas les symptômes des patients, c'est trop compliqué par télé quelque chose, mais simplement un tracé électrographique. Et là, vous avez des gens dédiés, des équipes dédiées qui font de la surveillance. Donc ça, c'est extrêmement vertueux. On est dans un monde complexe. Il y a quelques années, les ambulanciers ont fait grève pour empêcher une tarification et un remboursement de ces actes de télécardiologie, parce que ça a aussi un coût de mettre des cardiologues derrière des écrans. Et donc, il y a une problématique d'ubérisation de certaines professions là-dessus, mais c'est un très bon exemple. La personne a dit qu'il y avait possibilité de détecter des fibrillations auriculaires. Il faut savoir que depuis quelques semaines est maintenant mis sur le marché dans les pharmacies françaises un tensiomètre qui détecte les arythmies par un électrocardiogramme, une piste, et ça en automesure. Donc on est en train de l'expertiser et l'évaluer, mais là on a encore l'exemple d'une fonction de télécardiologie qui va passer peut-être dans le grand public et dans une utilisation beaucoup plus large pour moins de 120 euros. Et bien sûr là, dans ce cas, avec le conseil d'un médecin, parce que je pense pas qu'un patient peut se débrouiller tout seul, mais il peut enregistrer lui-même pour moins de 120 euros en acquisition de l'appareil et l'envoyer par le net, des tracés, c'est extrêmement intéressant. Enfin, une publicité existe avec ce genre de dispositif, avec géocalisation, et la publicité de la firme qui commercialise ça dit on va déclencher des alertes, on va vous faire venir automatiquement le SAMU là où vous êtes, si on a un trouble du rythme. C'est probablement quelque chose de difficilement acceptable, parce que d'abord le SAMU doit être préservé, c'est quelque chose qu'on a en France qui est formidable, et si on a ce dispositif avec des fausses alertes sur des millions de consommateurs, on aura un vrai problème. Donc c'est très intéressant, bravo à la télécardiologie, et c'est que le début d'une aventure. Cécile Monteil. Alors moi, en fait, je faisais des gribouillis, parce que quand j'ai une feuille de papier devant moi, je ne peux pas m'en empêcher. Mais si je devais retenir un concept qui est très intéressant, c'est la notion de temps médical. Ça libère du temps médical. Et c'est là où les outils connectés peuvent être intéressants. C'est que dans la vie du médecin, en fait, il y a plein de choses qu'on fait qui n'est finalement pas médical. Alors, il y a toutes les tâches administratives sur lesquelles les nouvelles technologies peuvent énormément nous aider. Mais effectivement, en fait, en ayant à disposition un rapport sur les données, sur ce qui s'est passé dans la vie réelle du patient à son domicile entre les consultations, ça permet d'avoir un interrogateur qui est déjà finalement, dont une partie est toute faite et fiable, et de libérer du temps pour se concentrer sur ce qui est important. Et donc ça, vraiment, c'est un bénéfice de la santé connectée. Cette question de la libération du temps, de la libération du temps des médicales, des médecins de ville, de la libération du temps des médecins hospitaliers, on voit qu'elle revient quand même souvent. C'est-à-dire que l'idée tout de même, Nicolas Postel-Vinet, c'est effectivement d'arriver et de permettre au corps médical d'avoir immédiatement accès à un certain nombre de données, quel que soit d'ailleurs l'état du patient. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est aussi la question de l'implication du patient dans ce type de dispositif. Parce que il y a des dispositifs très passifs comme ceux qu'on vient d'entendre, mais il y a des dispositifs qui demandent tout de même une certaine technicité, une certaine familiarité avec des objets connectés, avec la technologie, ce qui n'est pas évident, là encore, pour tous les patients, et ce qui risque de créer peut-être un différent mode de relation à ces objets-là en fonction justement de cette technicité. Il y aura certainement une fracture numérique entre les patients capables de comprendre des messages électroniques et d'avoir une conduite de soins adaptée, quitte à ce que cette conduite soit la plus ergonomique possible et la plus facile à comprendre possible. C'est d'ailleurs le travail qu'on fait nous dans l'hypertension artérielle. Mais il est clair qu'on laisse de côté des personnes beaucoup plus fragiles, etc. Libéralisation du temps médical, c'est un terme dont je me méfie un tout petit peu, parce qu'en fait, si on donne moins de travail aux médecins en éliminant les fausses alertes, la logique économique de notre système de soins, y compris dans les hôpitaux où nous travaillons avec Cécile, va vers une réduction des effectifs, parce qu'il faut faire des économies tellement il y a de déficits. Donc en fait, il faudrait que cette électronique ne serve pas à ce qu'il y ait moins de médecins en éliminant les actes inutiles. Ça, c'est une problématique. Il faut absolument qu'il y ait plus de soignants qui restent sur le terrain. Donc moi, j'aime bien la notion de triage des actes. Dans un monde idéal, les patients graves vont vers des médecins experts qui ont du temps pour soigner les choses graves, et les algorithmes qui mettent en avant des problèmes de santé moins sérieux restent en ce qu'on appelle en médecine de proximité, et les patients ont leur réponse humaine, mais près de chez eux. Et probablement, cette numérisation de la santé va arriver vers un triage. Faudra bien réfléchir au niveau éthique, faudra bien faire des évaluations, mais c'est plutôt ça que la libération du temps. On va reparler effectivement de ces questions d'éthique. Il n'y a pas que cette notion du triage, de la possibilité d'accès, encore une fois, du niveau, du degré de passivité ou d'interaction possible des patients. J'aimerais vous poser aussi une autre question, parce qu'on voit souvent revenir la santé connectée pour résoudre un autre problème qui, en France comme dans d'autres pays, semble relativement insoluble. C'est celui des déserts médicaux. Aujourd'hui, quand on dit déserts médicaux, on répond encourager la télémédecine. Est-ce que la santé connectée est en mesure aujourd'hui de pouvoir proposer de véritables services équivalents entre les gens qui peuvent se déplacer, qui ont accès à un médecin de proximité, comme vient de le dire Nicolas Poselvinet, et des gens qui sont plus éloignés et qui, de la même façon, n'ont pas forcément accès à ce type d'outils technologiques qui leur permettraient d'avoir une consultation de télémédecine. Cécile Montail. Alors oui, encore une fois, ça va être un outil, c'est-à-dire que ce n'est pas une solution au problème des déserts médicaux, mais ça va faire partie de ce qu'on peut proposer pour pallier à ce problème. À savoir que les déserts médicaux, c'est pas toujours comme on l'entend uniquement à la campagne, hein, mais que même à Paris, il y a des déserts médicaux, et qu'effectivement, vous avez plus d'ophtalmologues à Paris, mais que quand il faut attendre 6 à 8 mois pour une consultation, eh bien, on considère ça comme un désert médical. Donc, je pense que la télémédecine est une bonne réponse. Alors, forcément, elle ne va pas pouvoir pallier à tout, mais je trouve que c'est mieux que rien. Il faut que ce soit bien encadré, il faut que ce soit pour des motifs assez particuliers, mais il y a effectivement plein de cas où une téléconsultation suffit de temps en temps amplement, et d'autres fois suffit à mieux orienter, suffit à gagner du temps. Voilà. Donc je pense que ça va effectivement pouvoir bien aider sans bien sûr remplacer le médecin. On voit Nicolas Poselvinet se dessiner un visage possible de cette médecine de demain, personnalisée, télémédecine, consultation en ligne avec des instruments à domicile qui permettent d'avoir un pré-diagnostic. C'est une utopie, une dystopie, un futur probable, un futur souhaitable. C'est commencé. La prise de rendez-vous en ligne, finalement, c'est de la e-santé. Or, maintenant, plus de la moitié des médecins ont des rendez-vous en ligne. Pareil pour les hôpitaux. Donc ça a l'air rien de prendre un rendez-vous, mais c'est quand même très important parce que c'est l'accès aux soins. Alors, on pourrait dire du bien des rendez-vous en ligne, on pourrait aussi les critiquer parce qu'encore une fois, on a diminué le nombre de secrétaires, du coup. Et on ne peut plus avoir des humains au téléphone pour donner des nuances. Mais ça, c'est le problème de la digitalisation du monde. À Pôle emploi, ils sont digitalisés et ça fait souffrir aussi à la fois les demandeurs d'emploi et à la fois les gens qui doivent faire du chiffre. Et on nous demande à l'hôpital de faire du chiffre. Maintenant, bien que j'ai fait la mouche du coche depuis le début, je suis tout à fait favorable à toutes ces évaluations, je suis tout à fait partant, mais je voudrais juste lutter contre l'utopie d'un monde meilleur, parce que nous allons vers un monde différent, plus performant, mais qui saura faire des erreurs, donc il faut être très vigilant. Mais c'est commencé, c'est pas un futur proche, c'est commencé. On voit bien depuis le début de cette émission, hein, j'aimerais qu'on pose cette question tout de même de la médecine à deux vitesses, de la possibilité d'accès aux soins, de la possibilité d'avoir accès précisément à cette médecine connectée, de pouvoir en bénéficier, de pouvoir l'utiliser, la manipuler. Comment faire pour éviter de sombrer dans un système, Cécile Montail, à deux vitesses, qui parlerait à des gens plus connectés, à des gens qui ont plus une facilité d'usage numérique, technologique, d'exclure de facto des personnes certainement plus fragiles, qui ont des maladies chroniques, plus âgées, qui ne seraient pas aussi à l'aise avec ces nouveaux outils. Alors, je ne vais pas prétendre avoir la réponse parfaite, loin de là. Après, quand on parle de gens connectés, donc moi, l'hôpital où je travaille, c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est pas un quartier. Je vois plutôt des quartiers défavorisés. Et ce qu'on voit, c'est que maintenant, tout le monde a un smartphone. Alors oui, c'est pas forcément le dernier iPhone, mais tout le monde a un smartphone et de temps en temps, c'est plus facile de les faire utiliser le smartphone. Il y a des applications pour la traduction linguistique. On peut leur mettre des mémos dans les notes et puis on dit, bah voilà, vous faites lire à la personne qui parle bien français à la maison. Enfin, donc pour moi, finalement, la plupart des personnes sont connectées et les personnes âgées qu'ils sont moins aujourd'hui, les personnes âgées de demain, c'est nous. Donc elles seront connectées. Après, effectivement, quand on voit pas bien, quand on a des difficultés avec la gestuelle, ça devient l'accès devient plus compliqué. Mais je ne pense pas que la connexion sera un problème. Nicolas Poselvinet. D'abord, vous posez une question dont la responsabilité est celle des politiques. C'est-à-dire la fracture numérique, c'est une question politique. C'est la distribution des fibres dans le territoire, c'est l'éducation des personnes de l'école jusqu'à l'accompagnement dans les villages, etc. Une question sociale aussi. Oui, pardon, mais enfin, sont politiques de répondre, faire des choix, le gouvernement, etc. Donc je ne suis pas capable de répondre. Je voudrais terminer sur une note optimiste, c'est-à-dire que si on compare les États-Unis et la France a un système de santé exceptionnellement accessible, gratuit, formidable. Il ne faut pas que les Français l'oublient. Aux États-Unis, il y a un système extrêmement performant à la seule condition que vous sortiez votre carte bleue, et cela avec une violence inimaginable. Et les objets connectés marchent très très bien aux États-Unis parce que tout est payant. C'est-à-dire que vous faites avec la médecine connectée aux États-Unis, je vais oser le mot, mouche du coche, je continue, des actes dégradés, parce que c'est quand même bien de voir un médecin en vrai. Donc vous faites un truc à distance, vous avez un service, vous le payez, ça, il y a une grande consommation. Les tensiomètres connectés aux États-Unis marchent très très bien. L'algorithme que nous avons écrit se diffuse bien aux États-Unis. En France, on est un plus petit pays et les personnes âgées... Moi, dans notre service, on a voulu que les infirmières montrent l'application smartphone et tout. On a très très vite renoncé parce que les infirmières qui sont des soignantes se transformaient en assistantes de vente d'un magasin d'électronique pour dire vous appuyez là, vous appuyez là. Et je pense que les infirmières ne sont pas payées pour ça. Donc on n'a pas tout résolu. On y va. Peut-être pas si vite. Est-ce que la France est totalement à l'abri de ce que vous décrivez aux États-Unis, c'est-à-dire là encore une fois d'une santé à deux vitesses, d'une santé où d'un remboursement conditionné parce que la sécurité sociale certes rembourse, mais on sait qu'aujourd'hui voilà pour être remboursé confortablement il faut avoir une complémentaire santé. Est-ce que comment faire pour éviter cet écueil où les complémentaires santé, les assurances demanderont précisément un contrôle de l'observance, demanderont l'installation obligatoire pour pouvoir bénéficier de remboursement d'instruments, d'outils de santé connectée. En quelques mots, Cécile Monteil. Non, je pense qu'on est jamais à l'abri et j'ai pas de boule de cristal pour prédire le futur, mais après, effectivement, pour avoir vécu aux États-Unis, je pense qu'en France, les débats éthiques sont plus considérés et on est plus modérés. Donc, après, au jour d'aujourd'hui, les assurances n'ont pas le droit d'avoir accès aux données des objets connectés. Donc, ce sera au peuple français et aux politiques de définir tout ça. Et on n'a pas parlé de la protection de ces données. Ça, c'est encore un autre enjeu qu'on aura dans une autre émission. Un mot justement sur ce risque français, Nicolas Pestel-Dunet, sur le risque en France. Il existe, mais on est mieux loti en France que dans d'autres pays. En revanche, pour les pays dits émergents, l'Afrique où il n'y a pas de médecin, là la santé connectée va être formidable parce que on ne met pas en concurrence l'objet connecté et le médecin disponible et remboursé comme en sécu. Donc là il va y avoir sans doute un bond formidable. Et j'ai un grand espoir que les algorithmes électroniques soient très utilisés en Asie et en Afrique. Il est déjà 16h52, comme tous les mercredis, c'est l'heure de retrouver le futur justement de la recherche incarnée dans des étudiants qui viennent nous expliquer ici à l'antenne leurs travaux de recherche en thèse. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie Bastian, bonjour. Bonjour. Vous êtes en troisième année de thèse à l'école doctorale de droit et sciences politiques de l'université Paris-Nanterre. Bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous. Alors merci beaucoup pour votre invitation, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc mon sujet de thèse porte sur les évolutions du droit de la santé électronique jusqu'à la santé connectée. Et il s'agit en fait d'analyser les transformations du système de santé induites par les nouvelles technologies de santé qui semblent constituer une solution pour garantir l'effectivité de l'égalité d'accès aux soins. Alors cette analyse me conduit à envisager au moins 5 axes de réflexion. On a tout d'abord celui de la lutte contre la désertification médicale, puisque la télémédecine est un acte médical à part entière, qui constitue une réponse envisageable au déséquilibre dans la répartition territoriale des professionnels de santé. Alors la France s'est d'ailleurs dotée d'un arsenal juridique en ce sens, puisque nous avons des lois, des décrets, des guides méthodologiques aussi, pour accompagner les agences régionales de santé. Et malgré cela, on constate l'inefficience de ces textes, avec une progression assez lente de la généralisation de la télémédecine, qui doit impérativement se situer à différents niveaux territoriaux. Donc son développement en est encore au stade embryonnaire aujourd'hui, cela étant en partie dû à un manque de coordination avec celui des maisons de santé dans la façon de mener ces politiques publiques pour permettre l'émergence des plateformes de télésanté. Ensuite, c'est la question de l'encadrement juridique du big data de santé, ce traitement massif et ultra rapide des données, qui est aujourd'hui soumis à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 et dont le régime connaît actuellement une évolution depuis l'adoption, le 27 avril 2016, d'un nouveau règlement général européen de protection des données personnelles. Alors, le traitement par un algorithme des données de santé force d'abord l'interrogation d'une véritable ouverture et transparence des données de santé dans l'aide à l'établissement du diagnostic médical, en particulier avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, et on pense aux capacités démontrées du superordinateur Watson d'IBM. En même temps, ce traitement algorithmique des données de santé laisse poindre la possibilité d'abus de type discriminatoire avec la technique dite du profilage, notamment dans le cas d'une utilisation de ces données par certains secteurs comme les banques, les assurances ou les employeurs. Et c'est là donc un véritable numéro d'équilibriste en fait pour le législateur, parce que d'un côté il faut défendre la protection des données personnelles et de l'autre garantir leur circulation pour ne pas freiner l'innovation, puisque l'explosion des données constitue une ressource nouvelle qui permet d'assurer une surveillance épidémiologique efficace et surtout de faire progresser la recherche. Et puis c'est aussi la relation patient-médecin qui connaît une transformation avec la e-santé. On a une réduction de l'asymétrie d'information entre le médecin et le patient qui met fin à la traditionnelle relation paternaliste verticale, nous invitant donc à repenser le rôle du médecin. Et dans un contexte d'augmentation du nombre de maladies chroniques, eh bien le recours à la télémédecine propose un accompagnement permettant le maintien des patients à domicile tout en faisant de ces derniers des acteurs dans leur thérapie à longue durée et dans son suivi. Alors, cette transformation de la relation patient-médecin, elle se note aussi avec la robotisation de la profession médicale. Et on pense en particulier à la robotique chirurgicale et la télémanipulation qui permettent aujourd'hui d'opérer un patient situé à Paris avec un chirurgien localisé à New York, un anesthésiste à Shanghai, hein, par exemple, créant ainsi une chaîne de responsabilité qu'il convient désormais d'envisager à échelle internationale. Le quatrième axe de réflexion concerne la réduction des dépenses de santé grâce à la santé connectée, qui favorise l'instauration d'une médecine davantage préventive, voire prédictive, que curative. Alors cette nouvelle dynamique privilégie une approche d'amont plutôt que d'aval, et c'est là en réalité une œuvre bien lourde qui attend le législateur quand on sait que les dépenses actuelles en curatif constituent 90% des dépenses de santé, contre seulement 2% pour la prévention. Et puis enfin, au-delà des dispositifs de santé connectés à proprement parler, il est également possible d'intégrer une cinquième et dernière réflexion, puisque c'est aujourd'hui la question du corps connecté qui est soulevée, et notamment la place juridique d'un corps mi-humain, mi-machine, avec le développement du transhumanisme, qui n'envisage désormais plus uniquement la réparation de l'homme, mais bien son augmentation. Et cela entraîne inéluctablement une réflexion à la fois éthique et juridique. Merci beaucoup pour cette très bonne présentation de vos travaux, Marie Bastien. Un mot, Nicolas Postel-Vinet, on en parlait de la législation sur la protection de ces données de santé, qui est un enjeu législatif de taille. J'ai bien aimé le terme qui vient d'être employé, d'équilibre entre le besoin que nous avons de ne pas freiner l'innovation, j'ai envie de dire moi l'initiative personnelle de nos patients, et puis la besoin de sécurisation des données. Je n'ai pas personnellement d'idée très précise pour savoir où mettre ce curseur. Je constaterai, pour avoir vécu l'histoire du dossier médical partagé du ministère dès les années 2000, 2001, 2002, qu'en fait, ce sont aussi les demandes des patients qui ont plombé le dossier pour des sommes absolument faramineuses, parce qu'ils avaient des exigences de regard, de retrait, de cachet qui devenaient totalement insolubles du point de vue informatique. Et donc, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde et on tombe sur une impasse assez vite. C'est comme de prendre un emploi du temps avec tout le monde sur l'électronique. Personne n'est libre, finalement, au même moment. Il y a un moment, il faut trancher. Le législateur le fera. Merci beaucoup. On reviendra sur ces questions de protection des données médicales avec l'Internet des objets, qui était un volet qu'on aurait pu aborder aujourd'hui, mais qui est un volet extrêmement vaste et qui méritera une émission entière, à part entière. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci Cécile Monteil. Merci Nicolas Postel-Vinet. Merci Marie Bastien. Vous pouvez retrouver l'émission, hein, comme chaque jour, la podcaster, et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire via le site franceculture.fr, la page de la méthode scientifique, ou sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Étienne, Hugo Bartholomé, Céline Lausanne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Elisabeth Niro à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la technique, Jean-François Souvy au droit d'auteur.